Bonjour Tiffaine, et je vous dis à lundi, puisque c'est à Manu Farine que vous passerez le micro demain pour la compagnie des poètes. Nous, on se retrouve lundi, et aujourd'hui, eh bien, nous vous proposons, chers auditeurs, de réentendre une série d'émissions consacrée à Antoine de Saint-Exupéry, diffusée une première fois en mai dernier, et cela à l'occasion de la reparution chez Gallimard, dans la collection Quarto, d'un gros volume reprenant les œuvres complètes de l'écrivain aviateur, dans une édition d'Alban Cerisier. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La compagnie des auteurs, quatrième volet. Nous parlons toujours d'Antoine de Saint-Exupéry dans une émission proposée par Laurence Millet, Laurence Genepin, Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurent Travaglichanal et Inès De Bruyne. Il est pour beaucoup d'abord un aviateur, mais un aviateur tellement tête en l'air qu'on peut s'autoriser à le considérer d'abord comme un poète qui oublie de faire le plein d'essence ou de verrouiller une porte qui se détachera en plein vol, un poète courageux qui traverse le désert après un accident, mais surtout un poète qui invente le Petit Prince et jette sa vie par les fenêtres. Comme nous l'a raconté lundi Virgile Tanaz lors de notre émission biographique, vous pouvez la retrouver en podcast. Alors mardi, nous nous sommes arrêtés sur ce conte philosophique et littéraire qu'est le Petit Prince, avec ses dessins inséparables du texte qui ont contribué à son succès jamais démenti. C'était avec Alban Cerisier et vous avez également pu le réécouter en podcast. Enfin, hier, c'est de politique et de journalisme dont nous avons parlé. Politique d'abord avec l'attitude de Saint-Ex durant la Seconde Guerre mondiale. Son rapport aussi avec la France libre, c'était avec François Gerbert. Journalisme ensuite avec Philippe Baudet, qui nous a parlé de ses reportages, notamment en Espagne et en Russie. Et aujourd'hui, en seconde partie, après que Tiffaine Samoyo nous aura parlé de sa passion d'enfance pour Saint-Ex, douloureusement évanouie, arrivée à l'âge adulte, eh bien nous serons rejoints par l'écrivain Philippe Forest, qui viendra évoquer d'une autre manière le thème de l'enfance chez l'auteur de Vol de nuit. Mais pour commencer, nous sommes avec Sylvie Justhomme, inspectrice honoraire de l'éducation nationale, agrégée de lettres classiques. Avec elle, nous évoquons le style et la langue de cet écrivain de la grande reconnaissance, pour reprendre cette expression qu'elle va nous expliquer. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Je m'aperçois que je ne vous ai pas parlé de l'aviateur parce que, au fond, ça n'est pas tout à fait mon métier. Il nous quittait et il revenait et on l'attendait. Avec les amis dont je vous ai parlé, on disait Saint-Ex est dans le ciel, il va bientôt nous arriver. Et vous parlez d'aviation ? Pas beaucoup. Il parlait surtout du côté poétique de l'aviation. Il nous a décrit des nuages, il m'a décrit du vent. Et nous l'écoutions comme un conteur persan, n'est-ce pas ? Il nous a décrit vraiment des nuages s'approchant de l'avion, ou la terre remontant près de lui, ou lui s'éloignant de la terre, des spirales, des courbes de rivières, des amoncellements de montagnes, ça il en parlait admirablement d'ailleurs dans Terre des Hommes. Il y a beaucoup de paysages où on sent l'approche des sentiments et des choses. C'est lui qui nous éclairait très souvent sur la cordillère des Andes, sur la couleur de l'océan, sur les heures qu'il avait mises à aller d'un point A à un point B, sur les dangers qu'il avait courus. C'est lui. On le laissait parler. « l'écrivain André Beuclair, parlant de ce contre-aviateur qui était Saint-Exupéry. Bonjour Sylvie Justhomme. Bonjour. Vous avez enseigné la littérature au Caire, vous avez formé des professeurs en Côte d'Ivoire, au Mali, vous avez été conseillère des recteurs d'académie de Paris, mais aussi de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, de Wallis et Futuna et d'autres encore. Vous êtes allé en mission d'évaluation ou de conseil en Sicile, au Vanuatu, à Mayotte, à Buenos Aires. Vous avez donc bien bourlingué, comme le dirait Blaise Sandrars. Vous avez dû prendre l'avion également assez souvent. Hélas, j'ai largement épuisé mon capital d'empreinte écologique. Ah, ça c'est mal. En tous les cas, vous avez vu ces paysages, paysages du ciel dont parle Saint-Exupéry dans ses livres. Oui. Et dans Renaissance de Saint-Exupéry, le volume des éditions Écriture dirigé par Alain Vercondelet, vous avez signé un texte intitulé « Un écrivain en grande reconnaissance ». Alors la grande reconnaissance, on va dire d'abord ce que c'est pour vous. On peut dire d'abord que la grande reconnaissance, elle est quand même arrivée pour Saint-Exupéry, si on prend ce terme. Voilà, on peut le prendre littérairement, médiatiquement même. Hein. On est en pleine renaissance, d'ailleurs c'était le titre du volume. De Saint-Exupéry. Qu'est-ce qui explique cette renaissance ? Cette renaissance, pour moi, elle a explosé dans le grand public, en tout cas, depuis la commémoration de la libération, enfin des libérations, qui a ravivé la disparition, les circonstances de la disparition, circonstances extrêmement romanesques, pour ne pas dire mythiques, de Saint-Exupéry. Et donc, il était quand même pilote de guerre, et il a disparu. Enfin, à la veille du débarquement de Provence. Lors de son dernier vol, le dixième, alors qu'il n'était autorisé qu'à en faire cinq. Et encore, il avait largement dépassé l'âge limite de 30 ans, puisqu'il en avait 44. Et donc, je pense que tous ces événements, ces commémorations récentes, ont vraiment amené le grand public à redécouvrir Saint-Exupéry, même si les universitaires n'ont pas cessé, bien sûr, de travailler sur l'œuvre de Saint-Exupéry, et même si les manuscrits et le legs dont s'occupait Consuelo de Saint-Exupéry, puis la famille Martinez, a donné lieu aussi à des études toujours nouvelles. Mais il faut dire, et c'est par là que je commencerai, que cette grande reconnaissance n'a pas encore atteint le milieu scolaire, en tout cas du secondaire, collège-lycée dont je me suis occupée. Malgré tous vos efforts, oui, j'imagine. Voilà, parce que c'est un auteur vraiment que j'adore et que je relis volontiers. Mais effectivement, la reconnaissance de Saint-Exupéry s'est arrêtée au seuil du manuel scolaire. Il y a eu une période dans les années jusqu'aux années 60 où on citait Saint-Exupéry dans le groupe Malraux, Malraux, enfin tous ces écrivains de la guerre, en fait, de la guerre d'Espagne. Et de l'héroïsme aussi. Et de l'héroïsme, voilà, et de l'action, du roman d'action. Mais après les années 60, ça a vraiment disparu des manuels. Et j'ai encore vérifié ces jours-ci, puisque mon article datait de 2 ans, qu'il n'y a toujours pas, pour la rentrée 2018, dans les manuels, en tout cas tous ceux que j'ai pu voir, qui viennent de paraître, pour le niveau de la 3e, par exemple, et les années dernières, 4e, 5e, 6e, puisqu'on a eu droit à une réforme des enseignements de collège. Et aussi donc à la prochaine rentrée de lycée, donc il n'y a toujours pas de Saint-Exupéry, il est toujours catalogué dans l'héroïsme militaire en somme, et du coup ça fait un petit peu obstacle à sa lecture. Oui, il y a quand même la Pléiade, ça c'est une Alors, reconnaissance. Alors la Pléiade, bien sûr, mais là encore c'est pas un manuel scolaire, hein. Je parlais des milieux éducatifs, et bon, évidemment j'invite tous les professeurs à ne pas réduire Saint-Exupéry au Petit Prince. Parce que le Petit Prince, en revanche, est très très lu dans les petites classes, bien sûr, et partout dans le monde, on le sait. Alors la grande reconnaissance, c'est donc celle qu'on vient d'évoquer avec vous, Sylvie Justhomme, mais c'est aussi autre chose pour Saint-Exupéry, c'est la grande reconnaissance du voyage en avion. Du voyage et du voyage... Évidemment, c'est quand même une époque où on fait... chaque voyage presque est un voyage de reconnaissance. Oui, et en plus, cette expression « grande reconnaissance » a un sens particulier dans le contexte militaire, puisque le groupe de 33 était un groupe de grande reconnaissance et il était chargé finalement d'un rôle d'éclaireur. Hein. Il n'était pas là pour tirer sur les Allemands, mais pour reconnaître le terrain et peut-être aussi les tactiques de l'armée ennemie. Et du coup, il s'exposait énormément. Enfin, c'était vraiment des missions extrêmement dangereuses, ces missions de grande reconnaissance. Et j'ai voulu prendre au pied de la lettre cette expression militaire, ou technique en tout cas, pour l'appliquer à l'écriture de Saint-Exupéry et voir comment, finalement, l'écriture, elle aussi, est une espèce de grande reconnaissance, c'est-à-dire qu'il défriche du terrain. Donc c'est un explorateur, y compris dans son écriture. Oui, enfin, j'ai voulu filer cette métaphore et la prendre un petit peu au pied de la lettre. Qu'est-ce qu'il a exploré alors, du point de vue littéraire ? Alors, il a exploré une écriture très concise, très classique, en tout cas au premier abord, à une époque où ce n'était plus tellement d'actualité et où on était plus dans un style... peut-être plus lyrique, qui aurait plus peut-être été plus évident à la lecture de d'œuvres comme Terre des Hommes ou Courrier Sud ou Vol de Nuit, et en mêlant des notes extrêmement brèves et concises, donc sèches même, disait-il lui-même, sur son expérience et sur ses observations, avec une méditation très spirituelle. Et ça aussi, c'est tout à fait hors de son époque, enfin moderne du coup. Je crois que notre époque, pour le coup, a besoin de livres comme ceux de Saint-Exupéry pour retrouver cet appel de la spiritualité. Oh, c'est très moderne, et en même temps, il y a quand même quelque chose d'assez traditionnel, peut-être même traditionnaliste, chez Saint-Exupéry. En tout cas, il y a quelque chose qui déteste le style de son temps. Il y a énormément de passages... Alors ça, c'est pas la grande exploration, c'est pas la grande reconnaissance, c'est plutôt le vol vers l'air du une temps, forme de passé, quand même. Suivre, oui, mais si vous voulez, la clé de voûte de sa posture, de son ethos d'écrivain, c'est la vérité. C'est le chemin de vérité. Et c'est pour ça qu'il refuse tout ce qui est écrivain à la mode. Enfin, il parle beaucoup de métaphysique de concierge, par exemple, au sujet de Pirandello. Enfin, il se moque. Il fait plus que se moquer, il critique amèrement même des écrivains qui plaisent, mais qui sont fleuris, qui sont rhétoriques. Enfin, et pourtant, il y a une vraie rhétorique aussi, bien sûr, dans son écriture, qui est très, très travaillée. Très travaillée. Il disait « je ne sais pas écrire, je ne sais que corriger ». Et c'est vrai qu'il réécrit énormément. Il y a cette idée que l'action de voler fait échapper au nombrilisme. Oui, c'est ça. Il part vers l'inconnu, et c'est là où il est en grande reconnaissance. Il cherche la vérité, il cherche sa vérité, mais au miroir du monde et au miroir des autres. Alors, tout ça est plein de paradoxes, bien sûr, parce que il aime beaucoup la solitude, mais il écrit pour la multitude. Alors, on va écouter un extrait de Terre des Hommes sur ce que le fait de voler comporte, justement, comme matière à penser. La Terre nous apprend plus long sur nous que tous les livres, parce qu'elle nous résiste. L'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle. Mais pour l'atteindre, il lui faut un outil. Il lui faut un rabot ou une charrue. Le paysan, dans son labour, arrache peu à peu quelques secrets à la nature. Et la vérité qu'il dégage est universelle. De même, l'avion, l'outil des lignes aériennes, mêle l'homme à tous les vieux problèmes. J'ai toujours devant les yeux l'image de ma première nuit de vol en Argentine, une nuit sombre où scintillaient seules comme des étoiles les rares lumières éparses dans la plaine. Chacune signalait dans cet océan de ténèbres le miracle d'une conscience. Dans ce foyer, on lisait, on réfléchissait, on poursuivait des confidences. Dans cet autre, peut-être, on cherchait à sonder l'espace. On s'usait en calcul sur la nébuleuse d'Andromède. Là, on aimait. De loin en loin, luisaient ces feux dans la campagne qui réclamaient leur nourriture. Jusqu'au plus discret, celui du poète, de l'instituteur, du charpentier. Mais parmi ces étoiles vivantes, combien de fenêtres fermées, combien d'étoiles éteintes, combien d'hommes endormis. La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de Saint-Exupéry avec Sylvie Justhomme, et cette lecture était une lecture de Roger Coggio. Qu'est-ce que vous en retenez, Sylvie Justhomme? Alors, il y a beaucoup de choses dans cet extrait, bien sûr. Il y a des motifs qui reviennent dans toute l'œuvre de Saint-Exupéry et qui en soulignent vraiment la cohérence. Par exemple, l'image du jardinier et puis tous ces métiers humbles avec lesquels il compare l'aviateur. Il a dit quelque part, si j'avais été un mineur, j'aurais tiré des enseignements du fond de la terre. Bien sûr, je le vois mal mineur, mais il va chercher au-dessus de la terre des enseignements qui seront un éveil pour les consciences terrestres, enfin, pour les consciences des terriens, des gens qui n'ont pas décollé. Et il y a aussi cette image très fréquente de la terre, du labour, du jardinier. Et toute sa vie, il évoque ce travail des graines qui vont germer, même chez les vaincus, etc. Donc, il y a cette conscience, je crois, que son écriture n'est pas gratuite. Elle n'est pas gratuite. Elle est féconde. Enfin, en tout cas, il la veut féconde. C'est-à-dire il la veut aussi claire que possible. C'est une écriture qui doit être performative, dans le sens où elle doit avoir un effet sur le lecteur, elle doit changer le lecteur. Elle doit changer le lecteur comme l'expérience le change lui, et le rend disponible à la vérité. Et c'est là une définition assez moderne de la spiritualité, parce que c'est à peu près celle que donne Foucault dans Herméneutique du sujet, quand il dit « La spiritualité, c'est la recherche, la pratique, l'expérience par lesquelles le sujet opère sur lui-même les transformations nécessaires pour avoir accès à la vérité. » Et c'est toujours cette obsession de la vérité qui guide Saint-Exupéry dans son écriture. Être aussi clair et compréhensible que possible, et en même temps être dans le mystère, dans l'ineffable. Et c'est ça la poésie. Rimbaud ne dit pas autre chose, hein, de la pensée, accrochant la pensée et tirant. Donc c'est très difficile, c'est à la limite de l'impossible, et on sent vraiment le pionnier aussi bien dans son avion que sur sa page. Il ouvre des lignes. En même temps, cette idée de vérité, elle est quand même difficile à manier, vous ne croyez pas ? Elle est très difficile à manier, c'est pour ça qu'il a été beaucoup moqué, beaucoup dénigré même, mais je pense qu'on a beaucoup à gagner à le relire encore et encore, même Citadelle, qui est, bon, on appelle ça un magma incandescent. C'est vrai qu'il est inachevé, mais il y a quand même matière à réflexion, à méditation. Méditation, c'est aussi un mot qui pour nous a du sens aujourd'hui, et il est inspirant. Donc ce livre Citadelle, justement, on peut peut-être en dire un mot. D'abord, c'est un livre qui n'a pas pu être terminé. Il est mort en le rédigeant, et lui qui était très perfectionniste, ça a dû être... Oui. Du coup, enfin, on ne peut pas le lire comme il aurait souhaité qu'on le lise. C'est un livre de vie. Comment est-ce que vous pourriez nous en parler? Là, je pense que c'est un livre presque mystique. Enfin, il y a des accents christiques, il y a un style beaucoup plus biblique dans Citadelle que dans ces autres livres, même si on devine aussi ces enjeux du sacré dans son écriture en général, et même dans Le Petit Prince peut-être. Mais il y a aussi une espèce de parabole, une géante parabole dans Citadelle, en somme. Qui cherche à nous dire quelque chose, qui cherche à nous dire quoi? Alors, il n'y a pas de message, c'est ça aussi qui est très difficile pour parler rapidement de Saint-Exupéry, c'est que il n'y a pas de message, il n'y a pas de réponse. Ce qu'il veut nous dire, c'est que nous avons chacun à nous éveiller et à faire notre chemin de vérité. Et ce chemin de vérité nécessite un dépouillement, qu'on voit aussi dans sa prose. Il élague, il rabote. Il y avait tout à l'heure l'image du rabot dans le texte lu. Il cherche à entraîner ses camarades, puisqu'il est habitué à ce terme de camarade par son rôle dans le groupe de 33, et ses frères, puisque quand il est loin des autres, il déborde de fraternité. Quand il les fréquente un peu trop c'est moins vrai. Il a à nouveau envie de s'en éloigner. Mais n'empêche que toute son écriture, et Citadelle aussi, est une invitation pour les autres. Il vit pour les autres. Donc c'est un humanisme, mais qui est vu tout de même de très haut, qui est vu du ciel. On l'entendait dans l'extrait, en effet, Saint-Exupéry a une attention pour chaque personne dans chaque ferme qu'il voit depuis son avion, mais en réalité, il les aime d'autant plus qu'il en est assez éloigné, et on le retrouve aussi dans un certain nombre d'articles, articles en Russie par exemple, oui. Où finalement il considère le peuple comme étant globalement assez laid. Il y a une forme de répugnance même vis-à-vis du peuple, sauf celui qu'il appelle le petit Mozart, c'est-à-dire ce petit enfant du peuple qui pourrait, si il n'était pas pris dans sa classe sociale, devenir quelqu'un. Il y a quelque chose qui n'est pas tellement de l'ordre de la camaraderie là, qui est plutôt de l'ordre de l'aristocratie. Alors oui, mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que, enfin à mon avis, c'est que il déteste qu'on s'intéresse, et on s'intéresse de plus en plus à son époque, et c'est toujours vrai à la nôtre, aux individus. Et les individus, pour lui, ce sont des pierres. Pourtant, le petit Mozart, c'est bien l'individu qui pourrait devenir quelqu'un s'il n'était pas Oui, mais c'est parce qu'à travers son visage d'ange, notamment, et dans cet environnement, ça se passe dans un train, dans un environnement vraiment pas du tout favorable à cet épanouissement artistique ou créateur, à travers, il voit les possibilités humaines. C'est l'homme, presque avec une majuscule, qu'il voit toujours à travers une personne. Mais à partir du moment où l'individualisme règne, où tout l'objectif de la vie se réduit au matérialisme et au fait de ne pas gêner l'individu voisin, ça, il déteste. Il veut la cathédrale à travers les pierres, pas le tas de pierres. La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors, Sylvie Justhomme, vous parlez du travail quotidien, intense, de Saint-Exupéry. Et vous le comparez à Flaubert. Vous dites qu'il avait lui aussi un gueuloir. Oui, il n'hésitait pas à réveiller Consuelo ou ses amis la nuit, puisqu'il travaillait beaucoup la nuit, un peu comme Balzac, hein, à grand renfort de café, pour lire ce qu'il venait d'écrire. D'ailleurs, il lisait beaucoup Balzac. Il lisait énormément Balzac. Il aimait beaucoup Balzac. Et quand il était directeur d'escale à Cap-Juby et que les aviateurs faisaient escale et avaient envie de dormir pour pouvoir se reposer, il les réveillait aussi pour leur lire. Alors, ils s'endormaient quand même, hein, mais il leur lisait ces pages. Et cette dimension d'oralité, je trouve qu'elle est importante aussi, parce que c'est la parole qu'il cherche à retrouver, pas un texte mort. Et on peut citer Ricoeur, parce que ou Jacques Ellul d'ailleurs, parce que le texte, s'il n'est pas nourri par l'expérience et par la subjectivité, il meurt, il devient mort. Et donc on sent bien l'influence de l'oralité dans l'écriture de Saint John Perse, qui est pour beaucoup dans justement cette recherche de spiritualité, parce que la parole avec une majuscule, c'est la parole sacrée. Oui. Alors vous parlez d'un concept qui s'appelle la coordonnance. La coordonnance, c'est lui qui invente ce mot. Ah oui. Alors ça, c'est une idée littéraire aussi, hein. Oui, c'est une idée d'écriture. Exactement. Qu'est-ce que c'est, la coordonnance ? Alors la coordonnance, il dit que ça fait partie de ses concepts directeurs, il le dit dans ses carnets. Et si on le transpose effectivement dans la langue, on est frappé par le choix de construction dans des phrases de Saint-Exupéry. La coordonnance, c'est comment on lit deux parties d'une phrase. Voilà. Et bien sûr, c'est le lien entre les hommes et le concept fondamental chez Saint-Exupéry. Tout est là, tout est relation, et c'est invisible la relation, mais c'est l'essentiel bien sûr. Et donc grammaticalement, ce lien, il est représenté par les coordinations plutôt que les subordinations. Par exemple ? Alors, par exemple, il préférera juxtaposer avec des virgules des propositions, des phrases, et même commencer une nouvelle phrase avec une conjonction de coordination, un « et » ou un « car ». Mm-hmm. Hein, les « cars » sont très frappants dans Citadelle. Il y a tout un chapitre où il commence ses paragraphes par « car » ou « mais ». Aussi, mais ça révèle autre chose, moins le lien que l'obsession de se corriger sans cesse, de se faire à lui-même des objections et de ne jamais apporter de réponse justement. Donc une écriture qui relie, vous dites que c'est une écriture démocratique. Alors oui, là c'est peut-être pousser un petit peu loin le symbolisme, mais refuser la subordination, oui, c'est quelque chose qui met en avant l'égale valeur de tous les membres de phrase, de tous les faits d'expérience ou de toutes les idées, voilà. Et alors ça aussi c'est un paradoxe puisque Saint-Exupéry était d'une famille aristocratique, mais aristocratique désargentée, et il a toujours été tiraillé entre ce besoin de faire partie d'une élite, et bien sûr les pionniers de l'aviation sont une élite dans laquelle il a eu beaucoup de mal à se faire accepter. Et justement, c'est pour ça, à mon avis, qu'il a jusqu'au bout voulu voler pour toujours, toujours, toujours prouver qu'il méritait sa place dans cette élite. Et en même temps, le refus d'une élite, c'est-à-dire quand il se met de plein pied avec le jardinier ou le plus humble des paysans, on voit bien qu'il y a aussi ce désir d'être frère avec tous les hommes. Oui. Il est à la fois mal à l'aise dans son rôle du héros, et en même temps, il a toujours besoin d'aller plus haut que lui-même pour c'est se ça. Sentir légitime. Oui, voilà, plus haut que lui-même, c'est aussi le destin. Pour lui, devenir homme, c'est ça, c'est se dépasser. Il y a cette idée que peut-être de manière désespérée, il faut faire partie de réussir à être avec les autres. Et finalement, c'est aussi ça un peu l'histoire du Petit Prince. Les personnages de Saint-Exupéry sont tout de même souvent hors sol et sont in the air. Est-ce que finalement, c'est pas ça la tragédie de Saint-Exupéry à la fin? En tout cas, c'est sa souffrance, oui. Et c'est cette souffrance aussi qui nourrit son expérience et donc son écriture. On le sent, enfin, je crois que quand on lit, que ce soit Vol de nuit, Terre des hommes ou Le Petit Prince, on est forcément ému, c'est poignant. Hein, c'est poignant, c'est tragique, mais en même temps, c'est plein d'espérance. Et son espérance, c'est que les autres s'éveille comme lui s'éveille. Oui. Sur cette idée d'humaniste, on le qualifie d'humaniste sans cesse, Saint-Exupéry lui-même sans doute se qualifiait comme cela. Ça évidemment nous fait penser à la Grèce antique. Il avait cette culture classique, vous-même, oui. Vous l'avez par définition. Oui. Quel rapport avec cette culture-là? Oui, alors ça c'est assez curieux, parce qu'effectivement il a été latiniste et helléniste distingué. Il a même aidé au Bachot, son voisin de table, à faire sa version latine et sa version grecque. Ah, ça je ne sais pas si vous l'avez approuvé ça, à sa mère. En tant qu'inspectrice. Je ne ferai pas de commentaire sur ce petit point-là, mais en tout cas, il parle du latin en disant qu'il a renié complètement cet héritage de l'Antiquité, notamment Virgile, l'Énéide. Bon, c'est vrai que l'Énéide est un poème politique, hein, ce n'est pas du tout un poème lyrique ou métaphysique. Il est là pour asseoir Rome et installer Auguste dans son rôle salvateur, dans son rôle démiurge. Aussi. Donc il renie tout ça au profit de la leçon de géographie que Guillaumet lui donne lorsqu'il est apprenti pilote. C'est-à-dire que le monde, en fait, la lecture du monde et ensuite l'écriture du monde va plus loin que l'héritage antique. Merci beaucoup Sylvie Justhomme. Je rappelle votre article « Un écrivain en grande reconnaissance » dans le volume collectif dirigé par Alain Vircondelet et qui s'appelle « Renaissance de Saint-Exupéry ». Tout de suite, la chronique. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. « Et comme chaque jeudi, c'est un grand lecteur ou une grande lectrice qui vient nous parler de l'écrivain dont il est question toute la semaine. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous accueillir. Tiphaine Samoyau, bonjour. Bonjour Mathieu. Que retenez-vous de ce qu'on a dit avec Sylvie Justhomme dans la première partie? Est-ce que vous voudriez ajouter une note de bas de page? Oui, absolument. Les raisons qu'elle a données de son amour de Saint-Exupéry sont exactement celles qui me l'ont fait adorer pendant mon adolescence. Et je dirais que pour moi, il est par excellence l'écrivain de l'adolescence plus que celui de l'enfance, parce que bon, oui, j'avais lu Petit Prince comme tout le monde, mais sans m'y arrêter plus que ça. En revanche, j'ai été absolument fascinée par toute l'épopée aéronautique, tous les romans du ciel, disons, comme Courrier Sud ou Vol de nuit, et ensuite fascinée par ces espèces de bibles pour adolescents que sont Citadelle ou Terre des Hommes. Donc, je pense que j'y voyais à la fois une alternative aux religions ou à la religion de l'enfance. Ça me donnait beaucoup d'avenir. Il y avait aussi cette, dans ces romans, à la fois je m'identifiais au personnage masculin et j'étais amoureuse de lui. Donc j'avais tout. Quoi. C'est la plénitude. C'était ça. C'était l'autonomie parfaite. Donc voilà, j'avais jamais pris l'avion moi, à cette époque-là. Donc j'en rêvais. Je rêvais de voir la Terre vue du ciel qui ressemble chez Saint-Exupéry à un ciel. C'est ce qu'on a entendu là dans le. Il inverse les choses. C'est-à-dire vue du ciel, c'est la Terre qui est le ciel. Bon, toutes ces choses-là me fascinaient absolument. Quand tout à coup, dans ce que je raconte, donc dans un texte qui a été publié justement par Philippe Forest, qu'on va entendre tout à l'heure. Dans la NRF. 605 de juin 2013. Donc, Philippe Forest m'avait demandé est-ce que tu voudrais écrire sur Saint-Exupéry? Et je lui ai dit oui, j'ai une anecdote à raconter qui a été terrible. Et effectivement, c'est ce que je raconte. C'est-à-dire que j'étais tellement fascinée par cet écrivain que quand un jour une marraine veut me faire un beau cadeau, je lui demande la Pléiade de Saint-Exupéry. Donc, c'était à l'époque en un seul volume. Je rappelle qu'aujourd'hui, elle est disponible chez Gallimard en deux volumes. Jamais je ne l'ai changé. J'échangerai ce volume. Ah, et vous l'avez alors, oui, vous l'avez apporté. Je l'ai apporté avec sa couverture grise, c'est ma première Pléiade. Et en me l'offrant, elle me fait un cadeau très empoisonné, puisque cette femme qui est morte aujourd'hui me dit, et je lui ai dit c'est mon écrivain préféré, et elle me dit ça te passera. Cette phrase a été terrible. Elle coupait, elle m'annonçait quelque chose de terrible. Je pouvais pas y croire. Et aujourd'hui encore, j'essaye de ne jamais dire ça à quelqu'un, même quelqu'un qui a un énorme chagrin. C'est une phrase qui m'a paru terrible. Ça veut dire quoi? Ça te passera dans sa bouche. Dans sa bouche, ça voulait dire bon, c'est un écrivain pour adolescentes. Sans doute qu'elle voulait, exprimer ça, ou un écrivain pour l'enfance, en tout cas pas un écrivain pour l'âge adulte. Et j'étais persuadée qu'elle se trompait. Hein, et j'ai encore tenu peut-être un an ou deux sur cette dévotion. Et ensuite, effectivement, c'était à la mesure de la dévotion que je lui portais, mais ça m'est passé. Et ça m'est passé assez violemment. Hein, c'est-à-dire que j'ai aujourd'hui beaucoup de mal à le lire. J'ai même pas tellement de nostalgie de l'époque où je l'aimais. C'est aussi ça qui caractérise pour moi un amour d'adolescence, parce que les amours d'enfance ou les grandes lectures d'enfance sont des choses vers lesquelles on revient par nostalgie souvent. Et en revanche, cet amour d'adolescence, c'est quelque chose vers lequel je ne suis pas revenue, parce que effectivement la spiritualité qui est au cœur de, enfin qui m'attirait dans cette écriture est quelque chose dont je me méfie. Et puis aussi, je me suis intellectuellement formée et développée contre cet humanisme-là. Pour quelle raison? Qu'est-ce que vous reprochez à cet humanisme de Saint-Exupéry? Ben précisément, alors tout à l'heure, Sylvie Justhomme m'a dit de manière très jolie qu'il s'intéressait à la cathédrale plutôt qu'au tas de pierres. Finalement, moi, je me suis intéressée plutôt au tas de pierres et au tas de pierres un peu dispersées dans d'autres parties du monde. Il me semble très ancré dans un humanisme purement européen, malgré ses voyages, malgré ses envols. C'est un envol pour moi. Bon, après j'ai découvert aussi plus ce qui s'était passé, mais c'est un humanisme que je n'aime pas, enfin que j'ai aussi beaucoup aimé par exemple chez un écrivain comme Martin Dugard, qui a été aussi un grand amour d'adolescence. Mais finalement, le rapport à la terre dont parlait Sylvie Justhomme, lui il vous enferme plutôt qu'il ne vous libère. Oui, en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait là un enfermement. Et puis même, disons, ce que j'aimais à l'adolescence de cet héroïsme masculin, la tentation épique de l'existence, etc., sont des choses qui m'ont paru. Ensuite, j'avais plus envie de m'identifier à lui, encore que, bon, j'avais ce désir, moi j'avais envie d'être astronaute, comme je vous l'ai dit encore, j'avais jamais pris l'avion, encore moins une fusée. Mais après, ça m'apparaissait plutôt comme machiste, j'étais plus ni dans l'identification, ni dans la volonté d'aimer. Mais en même temps, c'est peut-être pas ça que voulait dire votre tante. Il y a une incompréhension, quoi qu'il arrive, sur ça te passera, parce que c'est précisément pas ça qu'elle voulait dire, quand elle voulait dire que vous liriez autre chose. Elle voulait dire que vous liriez des livres d'adultes, mais... Peut-être, en tout cas, je l'ai vécu comme « tu n'aimeras plus ce que tu as aimé ». Et j'ai trouvé que c'était d'une très grande violence. Et d'une certaine manière, ça ne s'est pas passé. Merci beaucoup, Tiphaine Samoyo. Et on vous retrouve bientôt pour parler aussi de « En attendant Nado ». La compagnie des auteurs que vous écoutez et vous êtes sur France Culture. Nous terminons notre semaine consacrée à Saint-Exupéry par la question de l'enfance chez l'auteur du Petit Prince et nous sommes pour cela en compagnie de l'écrivain Philippe Forest. Sans doute je rêve. Je suis au collège. J'ai 15 ans. Je résous avec patience mon problème de géométrie. Accoudé sur ce bureau noir, je me sers sagement du compas, de la règle, du rapporteur. Je suis studieux et tranquille. Des camarades auprès de moi parlent à voix basse. L'un d'eux aligne des chiffres sur un tableau noir. Quelques-uns moins sérieux jouent au bridge. De temps à autre, je m'enfonce plus loin dans le rêve et je jette un coup d'œil par la fenêtre. Une branche d'arbre oscille doucement dans le soleil. Je regarde longtemps. Je suis un élève dissipé. J'éprouve du plaisir à goûter ce soleil, comme à savourer cette odeur enfantine de pupitre, de craie, de tableau noir. Je m'enferme avec tant de joie dans cette enfance bien protégée. Je le sais bien, il y a d'abord l'enfance, le collège, les camarades, puis vient le jour où l'on subit des examens, où l'on reçoit quelques diplômes, où l'on franchit avec un serrement de cœur un certain porche au-delà duquel, d'emblée, on est un homme. Alors le pas pèse plus lourd sur la terre. On fait déjà son chemin dans la vie, les premiers pas de son chemin. On essaiera enfin ses armes sur de véritables adversaires. La règle, l'équerre, le compas, on en usera pour bâtir le monde ou pour triompher des ennemis. Fini les jeux. Un extrait de Pilote de guerre lu par Guillaume Gallienne, extrait dans lequel Saint-Exupéry regrette le temps de son enfance. Philippe Forest, bonjour. Bonjour. Vous êtes biographe d'Aragon, vous êtes également romancier. Votre dernier roman s'appelle L'oubli, il a paru en janvier dernier aux éditions Gallimard, mais il faudrait citer également Cru, Le chat de Schrödinger, Le siècle des nuages, Sarinagara et également L'éternel enfant que vous aviez publié en 1997. Livre dans lequel vous racontiez l'histoire de la mort de votre fille atteinte d'un cancer, mais où il y a aussi une sorte de transposition de l'histoire inventée autrefois par J.M. Barrie, l'auteur de Peter Pan, l'enfant qui ne grandit pas. Vous avez d'ailleurs cité cette phrase, l'enfant qui ne grandit pas, ou plus particulièrement tous les enfants, sauf un, grandissent à plusieurs reprises. Cette phrase, on peut la lire au début de Peter Pan. Vous avez également, on l'a vu avec Tiphaine Samoyo, consacré le numéro 605 de la Nouvelle Revue Française avec Stéphane Audeguy à ce thème de l'enfance de la littérature. Et c'est dans ce numéro de la NRF que vous avez donné le texte d'une conférence que vous aviez faite sur Peter Pan et le Petit Prince, parce que vous avez toujours pensé, Philippe Forest, que finalement ces deux personnages ne forment qu'une seule et même personne. Pouvez-vous nous expliquer un peu pourquoi ? Mais disons que j'ai des raisons personnelles de m'intéresser à Saint-Exupéry à un double titre, parce que il y a deux mythologies qui ont été exemplairement illustrées par Saint-Exupéry, qui sont effectivement la mythologie de l'enfance avec le Petit Prince et la mythologie de l'aéronautique avec ses grands livres que sont par exemple Vol de nuit ou Terre des hommes ou Pilote de guerre. Et ces deux mythologies, elles rejoignent celles qui ont constitué en quelque sorte mon roman familial, puisque je le raconte dans Le ciel des nuages. Mon père était pilote à peu près à la même époque que Saint-Exupéry. Bon, il était plus jeune, mais il était pilote en Afrique du Nord, en Amérique également. Et donc je relate dans Le ciel des nuages l'épopée aéronautique, cette grande utopie aujourd'hui disparue, mais qui a été porteuse d'espoir et de valeur. Ils auraient pu se croiser d'ailleurs peut-être. Hein. Ils auraient pu se croiser. Enfin, Saint-Exupéry avait au moins une vingtaine d'années de plus que mon père, mais ils ont été à peu près au même moment, puisque mon père. Il a volé très tard finalement. Et puis il était pilote de chasse dans l'aviation américaine au moment où Saint-Ex reprenait du service. Donc il y a cette mythologie aéronautique à laquelle je suis très sensible. Et puis il y a effectivement aussi la mythologie de l'enfance. Puisqu'en effet, dans mon premier roman, j'essaye d'explorer cet imaginaire enfantin qu'on trouve aussi bien chez Lewis Carroll que chez James Barry et que chez Saint-Exupéry. Parce qu'ils ont quand même en commun, et c'est assez exceptionnel d'avoir créé ces trois auteurs, et puis on pourrait en citer quelques autres aussi, des personnages qui leur ont totalement échappé. Aujourd'hui, tout le monde connaît dans le monde Alice, tout le monde connaît Peter Pan, tout le monde connaît le Petit Prince, sans forcément savoir de la tête de quel écrivain européen ces personnages sont autrefois sortis. C'est quand même assez exceptionnel. Alors il y a beaucoup de choses qui les relient. Hein. Et même avant de parler du fond, on peut parler de l'écriture de Peter Pan d'un côté et puis du Petit Prince. Les deux ont été écrits dans une espèce d'exil, dans une forme d'exil, Philippe Forest. Oui, c'est-à-dire en fait Peter Pan et a accédé véritablement à la notoriété lorsque la pièce, parce que s'il s'agissait d'abord d'une pièce, a été présentée à New York. Et c'est à New York que Saint-Exupéry a écrit, c'est aux États-Unis qu'il a écrit le Petit Prince pendant la guerre, alors qu'il était exilé. Et c'est la raison donc de cette conférence qu'on m'avait demandé de faire il y a quelques années pour fêter à New York justement le 70e anniversaire de l'écriture de ce livre. Mais au-delà de ces circonstances qui sont un peu contingentes, je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui rapproche ces deux textes, encore que il me semble que Saint-Exupéry, qui ne lisait pas l'anglais, qui ne le parlait pas, ce qui est un peu étrange quand même, Saint-Exupéry n'a sans doute jamais eu connaissance de Peter Pan, mais ces deux livres sont nourris par un même imaginaire de l'enfance. Ce sont des contes tout à fait étonnants, dans la mesure où en général les contes qu'on destine aux enfants sont des contes qui sont là pour leur enseigner à grandir. Hein. En tout cas, c'est la fonction traditionnelle, didactique, pédagogique du conte. Alors que là, ce sont des contes qui enseignent plutôt aux enfants à ne pas grandir, qui valorisent, voire survalorisent, de manière un peu fantasmée aussi, le monde de l'enfance, en faisant une sorte de paradis perdu vers lequel il s'agirait pour chacun d'entre nous de se tourner avec nostalgie. Ce sont deux livres de deuil, et là encore, dans leur écriture, dans leur composition, et si on remonte à la biographie de leurs auteurs, parce que Barry avait perdu son frère aîné, David, oui, qui est mort en 1866 d'un accident, et c'est le cas aussi, on l'a vu lundi dernier, avec le frère de Saint-Exupéry, François, qui est mort en 1917, dans des circonstances terribles, puisque il y a cette histoire de testament que le frère François a fait à son frère Antoine. Donc il y a une autobiographie qui se raconte dans ces deux textes aussi. Oui, certainement, de façon indirecte, ce sont deux récits qui sont hantés par la figure d'un frère fantôme, auquel le livre est sans doute d'une certaine manière dédié, mais indépendamment de cette interprétation, disons, biographique, Le Petit Prince, c'est aussi un livre sur l'épreuve de la perte et du deuil. Après tout, le personnage disparaît à la fin et il ne reste rien, sinon un paysage dont Saint-Exupéry dit lui-même qu'il est le plus beau et le plus triste du monde. Donc il me semble que c'est à partir de cette épreuve de la perte que se pose chez Saint-Exupéry la possibilité de réinvestir de sens, mais de manière très, très incertaine et très problématique l'univers. Il y a une profondeur philosophique évidente dans l'œuvre de Saint-Exupéry, même si je suis d'accord avec ce que Tiphaine Samoy a dit tout à l'heure, c'est aussi une œuvre qui est très datée, il y a une sorte de néo-nietzschéisme, exaltation du chef, de l'autorité, de la virilité, de l'exploit, etc. Puis en même temps, il y a un dolorisme chrétien qui lui aussi est assez daté. Bon, daté ou adolescent, parce que c'est différent. Les deux, je crois. Les deux, c'est aussi une œuvre qui est très marquée quand même par les tensions idéologiques de l'entre-deux-guerres. Moi, je suis d'accord pour dire que Saint-Exupéry est un écrivain démocrate, et il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a surtout pas beaucoup à l'époque, mais malgré tout, on sent qu'il est aussi pris en tenaille entre dans la mâchoire un peu idéologique de ces années 30, comme les grands écrivains de l'époque auxquels il doit être comparé, hein. Malraux, Bataille, Aragon, Céline, etc. Saint-Exupéry est un écrivain qui appartient aussi à son temps, et à cet égard, il n'échappe pas à un certain nombre de critiques qu'on peut lui adresser. Il appartient peut-être aussi, du coup, à notre temps, dont on dit beaucoup qu'il ressemble précisément de plus en plus à cette époque des années 30. Peut-être. Cette espèce de nouveau nietzschéisme. Souhaitons-le, parce qu'on aurait besoin de lire des écrivains tels que lui. Et je ne suis pas sûr que ce soit le cas, parce que reconnaissance de Saint-Exupéry, mais par qui, comment? Le mythe Saint-Exupéry se porte bien, l'œuvre elle est là, avec ses forces et avec ses faiblesses, et elle est suffisamment forte pour qu'on puisse la lire d'une manière qui permette d'échapper aux défauts qu'on lui trouve par ailleurs. Mais Saint-Exupéry n'est pas vraiment un écrivain qui compte pour les écrivains d'aujourd'hui. C'est le moins qu'on puisse dire. Moi, le premier texte que j'ai écrit sur Saint-Exupéry, c'était en 2009. On célébrait le centenaire de la NRF et on avait demandé à un certain nombre d'écrivains de chez Gallimard de choisir un auteur du passé, un auteur ayant publié dans la revue, pour lui rendre hommage, en quelque sorte. Et bien sûr, Proust, Breton, Bataille, Céline, on se bousculait au portillon. Et moi, quand mon tour est venu de choisir, je me suis aperçu que Saint-Exupéry n'avait suscité de désir chez absolument personne des 20 ou 30 écrivains qui avaient été sollicités. Ce qui en dit long sur la manière dont cette œuvre a cessé d'être vivante, en tout cas pour la littérature vivante d'aujourd'hui. Mais vous, en tout cas, vous pouvez le relire. Vous n'êtes pas comme Tiphaine Samoyeau qui ne peut plus réellement aller au bout d'un livre de Saint-Exupéry. Non, moi je l'ai relu notamment à l'époque où je préparais le siècle des nuages, parce que je me suis imprégné de toute cette épopée aéronautique. D'ailleurs, il y a pas que Saint-Exupéry, il y a beaucoup d'écrivains tout à fait estimables qu'on ne lit plus non plus et qui pourtant ont produit une œuvre. Donc ça ne me rend pas aveugle au travers notamment idéologique de cette œuvre, ou en tout cas aux tentations auxquelles elle a été parfois, auxquelles l'auteur a parfois été soumis et auxquelles d'ailleurs il a su résister. Mais pour moi, Vol de nuit, Pilote de guerre et même en partie Terre des hommes, bien sûr, et même en partie Citadelle sont encore des grands livres qu'on peut lire de telle manière qu'ils aient quelque chose à nous dire. Alors justement, dans Le siècle des nuages, hein, que vous avez publié, je le rappelle en 2010, vous parlez de l'aviation, vous parlez de votre père aviateur, et puis vous parlez de cette grande confiance dans l'avenir que, à ce moment-là, cette industrie de l'aviation représentait pour la France en particulier, qui était une grande nation de l'aviation, qu'il reste d'ailleurs toujours. Et ça, Saint-Exupéry, qui lui-même a, comme on l'a dit cette semaine, un rapport à la modernité qui est ambigu, c'est quand même intéressant. Oui, il y a eu cette grande utopie et elle était liée à une aventure technique et humaine, mais elle était porteuse d'idéaux qui ont été compromis, bien sûr, comme le sont toujours les idéaux, mais qui étaient solidaires d'une espérance démocratique. Il y a un mot qui est capital pour moi chez Saint-Exupéry, c'est le mot de ligne sur lequel, bien sûr, on peut jouer. Parce que Saint-Exupéry, avant d'être un pilote militaire, a été un pilote de l'aviation civile, finalement. L'ancêtre des commandants de bord d'Air France. Comme votre père qui travaillait après chez Air France. Or il y avait, je pense que c'est toujours le cas, il y avait, et il y a, je pense encore, une vraie mystique de la ligne chez les pilotes de l'aviation civile. La ligne, c'est ce qu'on fait passer d'escale en escale, de manière à acheminer le courrier, convoyer les passagers, etc. Pour relier, finalement, des lieux, mais aussi des hommes. Et bien sûr, la ligne, c'est aussi celle que compose l'écrivain à mesure qu'il pousse devant lui des mots. Là aussi, pour faire passer ces mots à travers la nuit pour relier là encore les hommes les uns aux autres. Donc que Saint-Exupéry ait été à la fois pilote et poète, disons, en dit long sur ce désir qu'il avait de relier les hommes les uns aux autres à travers cette nuit qu'il décrit si magnifiquement dans Vol de nuit. Parce qu'il le fait en poète, hein. La nuit, c'est cet univers obscur à l'intérieur duquel les formes du monde donnent le sentiment de se défaire. Il y a une vraie réflexion philosophique sur le nihilisme aussi chez Saint-Exupéry. Et donc il s'agit, cette nuit-là, de s'y orienter malgré tout, grâce aux étoiles, grâce aux lumières, de manière à permettre que les hommes se relient les uns aux autres. La ligne, ça relie, oui. Mais c'est aussi la pureté graphique presque, puisque lui-même avait fait les Beaux-Arts et qu'on sait qu'il dessinait, il a dessiné notamment le Petit Prince, hein, les dessins du Petit Prince. Il y a ça aussi. Oui, la ligne est l'expression à la fois d'un souci esthétique et d'un souci éthique. Et le propre d'un grand écrivain, me semble-t-il, c'est justement de ne pas dissocier l'esthétique de l'éthique. Et on peut le dire sans hésitation de Saint-Exupéry. Je voudrais qu'on revienne, Philippe Forest, un petit peu sur cette thématique de l'enfance qui reste tout de même centrale chez Saint-Exupéry. Vous citez quelques lignes célèbres de lui dans Pilote de guerre. « L'enfance, ce grand territoire d'où chacun est sorti, d'où suis-je ? Je suis de mon enfance comme d'un pays. » L'enfance, c'est un mythe que finalement les adultes ont inventé. Oui. Ça n'existe pas vraiment, l'enfance. Non, certainement. Mais quand Saint-Exupéry déclare cela, il n'est pas du tout, me semble-t-il, dans une sorte de fascination pour l'enracinement. Ça serait bien le comble de la part de quelqu'un qui fut poète. La terre de son enfance, il l'observe depuis le ciel. Et à un moment très particulier, qui est celui de la débâcle, hein. Saint-Exupéry voit littéralement de ses yeux l'Europe démocratique en train de s'écrouler. Et c'est depuis ce surplomb-là qu'il considère l'enfance qui est la sienne, et avec une nostalgie un peu truquée, c'est vrai, hein. L'enfance est la création de l'adulte, et les souvenirs d'enfance n'existent pas. Freud l'a bien dit à propos de Léonard de Vinci, les souvenirs d'enfance sont des fictions que les adultes fabriquent, mais qu'importe, ce qui compte, c'est que ces fictions, elles soient salutaires et qu'elles nous rendent plus humains et d'une certaine manière meilleurs. On pourrait faire une psychanalyse finalement des livre de Saint-Exupéry, d'ailleurs, certains ne s'en sont pas privés. Sans doute, ouais. Saint-Exupéry, et c'est en cela aussi qu'il est un écrivain important, hein, se prête à toutes les formes d'interprétation, des plus plates aux plus sophistiquées, en passant par les plus délirantes. Donc l'interprétation psychanalytique a sa pertinence aussi, mais pas plus qu'une autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, et c'est peut-être encore plus vrai pour vous, l'enfance, c'est ce dont on porte le deuil. On portera toujours le deuil de l'enfance. Chacun d'entre nous est en deuil de l'enfant qu'il a été, c'est vrai. Mais ça va plus loin dans Le Petit Prince. Personne, c'est très bien. Moi, je m'amuse quand il m'arrive de parler du Petit Prince, de demander aux gens qui ont lu ce livre il y a très longtemps comment il se termine. Et personne, enfin disons, si bien sûr, les gens qui ont lu le livre et qui l'ont en mémoire le savent, mais en même temps il y a une sorte de grande ambiguïté. Le petit prince se laisse mordre par le serpent pour pouvoir retourner dans sa planète. C'est une sorte de retour chez lui, sur un mode christique, hein, sacrificiel, mais en même temps ça ressemble beaucoup à un geste mélancolique de mise à mort de soi-même. C'est une œuvre extraordinairement ouverte de ce point de vue-là, extraordinairement simple, et en même temps extraordinairement ouverte qui fait sa part à la mélancolie et qui explique que c'est par l'épreuve de la perte éventuellement que l'on peut redonner un sens fut-il mélancolique au monde. Et ça, vous le dites un petit peu dans Le siècle des nuages, quand votre narrateur souligne qu'il n'est pas mort, mais qu'il a disparu, Saint-Ex, qu'il s'est arrangé à sa manière pour finir exactement comme Mermoz et comme Guillaumet, je vous cite, « volatilisé, en plein vol, dissous dans l'air, avec les eaux pour linceul, interdisant du coup qu'on n'érige nulle part aucune stèle, laissant comme tous les aviateurs un tombeau vide, la pierre roulée sur le côté par un ange, afin qu'en sorte peut-être la forme ressuscitée d'un jardinier. » C'est la disparition à tout jamais, sans que les hommes puissent remettre la main sur ce qui s'est volatilisé. Oui, on ne peut pas faire le tombeau d'un aviateur. En tout cas, il y aurait quelque chose de contre nature à vouloir le faire. Et en disparaissant aussi complètement qu'il l'a fait, Saint-Exupéry laisse vide en quelque sorte la place qu'il occupe et appelle chaque lecteur à y venir à son tour. Faut-il apprendre différemment aux enfants à lire Le Petit Prince, ou est-ce que au fond on doit continuer de ne pas l'enseigner, comme disait Sylvie Justin? Le Petit Prince, il se débrouille très bien tout seul, hein. Il est en permanence sur la liste des meilleures ventes en France. Là, je reviens de Chine, je crois qu'il y a une trentaine de traductions différentes du Petit Prince de disponibles. C'est un livre qui vit très bien tout seul. Non, et c'est pour ça que j'ai répondu à votre invitation. En revanche, il me semble que tout ce qu'on peut faire pour Saint-Exupéry en tant qu'auteur et pour lui redonner la place qu'il ne devrait pas avoir perdue et bienvenue, hein. Voilà. Merci beaucoup Philippe Forest. Je rappelle que vous avez été professeur de littérature avant de devenir écrivain et essayiste. Vous avez coordonné le cahier de la NRF de 2013 consacré à Saint-Exupéry et intitulé « L'enfance de la littérature ». Vous avez également fait paraître votre dernier roman, L'oubli, chez Gallimard en 2018. C'est la fin de notre semaine de rediffusion consacrée à Antoine de Saint-Exupéry. Mais nous revenons dès lundi 15h. Nous serons en compagnie de Sade, auteur sur lequel paraît une nouvelle biographie par Stéphanie Genan dans la collection Folio Biographie. Tout de suite, c'est la poésie, Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour la compagnie. Nous passons la semaine avec Laurence Vielle, partie loin, loin, au pays des morts, non morts, Sulawesi, île de l'Indonésie. Nous vivons tous une époque de nationalité d'emprunt. Et David Giadoni, son éditeur pour Ancêtres, Ancestors, se définit, lui, comme un Indien de partout et nulle part. Né à Nice, convaincu d'être français jusqu'à ses 15 ans, il se découvre italien en déménageant à Rome, et puis devient italien de Bruxelles, où sont les éditions Maelstrom. Il édite ses bouquins bouclègues, légers, peu chers. Il y a écrit « L'Indien de Bryce » au cours d'une résidence à la Maison de la Poésie de Quimperlé. L'Indien de Bryce. Le fils de l'oiseau tonnerre, le nom indien que Charles Koukou Matotosson Irinu me donna en 2008 lors de cette première déclaration poétique de reconnaissance des génocides amérindiens, ne peut se taire. La colère est forte, la tristesse autant, à voir ce que le nouveau décret de Donald Drake Trump et son application sont en train de créer comme situation pour nos frères Sioux et leur terre à Standing Rock dans le Dakota. Tout cela pour le non-nord noir, le pétrole. À l'action poétique. Bretagne, Quimperlé. Il est un nom unique pour le bleu et le vert ici. Glas. Le mot guer aussi existe et désigne le vert artificiel. La terre comme la mer, comme le ciel. Trois parties dans le monde. Quand j'étais petit puis jeune, j'avais les yeux de l'azur, de la côte qui m'a vu naître. Aujourd'hui que je mûris, que le vieux en moi encore sommeille, on me dit que mes yeux se font verts, glas. Infiniment nous, ce sable, cette eau, ces rochers et ce ciel, ton fils viendra peut-être jouer ici, comme tu l'avais tant désiré. Quatre astres nous séparent de sa venue. La Lune d'abord, puis Mars, Mercure et Jupiter. Au jour de Vénus, nous commencerons la fête. Poévie est amour, c'est une respiration. De l'air dans les poumons, la poévie. Bouche-oreille. Pourquoi je dis bouche-oreille? Ça colle bien avec ces instants, ces passages, oui. Bouche-oreille. Bouche-oreille, ce mot valise fabriqué par Paul Valéry figure l'espèce de boucle qu'accomplit la poésie en ce qu'elle est à la fois un parler et une écoute. Écrire de la poésie, c'est faire exister une voix émanant d'une bouche d'ombre ou de voix intérieure, selon Victor Hugo, mais c'est aussi écouter la langue, prêter l'oreille à son acoustique particulière. Extrait d'un article dans les 100 mots de la poésie en collection Que sais-je. Excellente initiative du poète Jean-Michel Maulpois, que nous retrouvons tout au long de la semaine prochaine. Merci Jacques Bonafé, vous nous lisiez des textes de Laurence Vielle.